l'enfance. Qui peut nous dire quand c'est fini? Qui peut nous dire quand ça commence? C'est rien avec de l'imprudence. C'est tout ce qui n'est pas écrit. L'enfance qui nous empêche de la vivre, de la revivre infiniment, de vivre à remonter le temps, de déchirer la fin du livre. L'enfance qui se dépose sur nos rides pour faire de nous de vieux enfants. Nous revoilà jeunes amants, le cœur est plein, la tête est vide. L'enfance, c'est encore le droit de rêver, et le droit de rêver encore. Mon père était un chercheur d'or. L'ennui, c'est qu'il en a trouvé. L'enfance, il est midi tous les quarts d'heure, il est jeudi tous les matins, les adultes sont déserteurs, tous les bourgeois sont des Indiens. L'enfance, l'enfance.